Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Le règne humain. Ce qui distingue le règne humain des autres règnes, la civilisation, comme quoi l'homme, avec deux principes, est un, sa définition par Lamartine. Nous en avons assez dit pour faire voir que le sentiment moral, le sentiment religieux, et le sentiment d'une vie future, représentent bien réellement des facultés d'élite qui n'appartiennent qu'à l'homme intellectuel, et qui lui assurent, parmi les espèces animales, non pas seulement une place, mais un règne à part que, pour le distinguer des autres règnes, on a appelé le règne humain. Ce sont ces facultés qui, bien qu'à l'état rudimentaire, constituent, chez le sauvage, la première ébauche de toute organisation sociale, ce sont ces facultés également qui, plus développées et mieux comprises, forment, chez les nations policées, la seule base vraie de ce qu'on nomme la civilisation. La civilisation, mot magique, qui ne peut de même s'appliquer qu'à l'homme. Il ne saurait donc plus être question ici des manifestations de la pensée par l'alliance ou seulement l'assistance de la matière. Oui, sans doute, il y a en nous deux principes, le principe assujetti et le principe libre, en d'autres termes, le corps et l'esprit, mais l'esprit dominant le corps. Parce qu'il y a deux principes, l'homme est double, homo duplex, mais, parce que l'un des deux principes est sous la dépendance de l'autre, l'homme est un, homo simplex. Note. C'est ce que Racine a très heureusement exprimé dans des strophes qui sont dans la mémoire de tous, et qui commencent par ces vers, « Mon Dieu, quelle guerre cruelle, je trouve deux hommes en moi. » Cantique 3, tiré de l'épître aux Romains 7. Fin de la note. C'est cette unité, basée sur la prédominance absolue de l'esprit, qui forme la caractéristique de l'homme intellectuel. Ne parlons donc plus de l'ancienne définition de l'homme, animal raisonnable. Ne parlons pas davantage de la définition plus moderne et plus noble de l'homme, intelligence servie par des organes. L'homme, par ses facultés d'élite, vaut mieux que cela. Il faut, pour spécifier son être et qualifier son titre, un mot qui l'affranchisse de ses liens terrestres pour rappeler uniquement sa céleste origine. Ce mot, c'est Lamartine qui va nous le donner, l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. Deuxième méditation poétique, à Lord Byron. La loi morale est l'arbre de vie des sociétés humaines. L'arbre de vie du paradis terrestre, des sociétés humaines, la loi morale, pénalité attachée à son inobservance, un mal qui n'attaque que l'homme, ses ravages, sa transmission du père à l'enfant, il étiole les esprits. Il étiole les corps, nécessité d'assainir les intelligences, au lieu de cela on les pervertit, de Blainville, anéantissement des individus, des familles et des sociétés. Il est dit dans la jeunesse que nos premiers parents furent placés par le Créateur dans un lieu de délices appelé paradis terrestre, et que là il leur fut donné de jouir de toutes les félicités de l'existence. À la condition toutefois qu'il s'abstiendrait de toucher aux fruits d'un arbre appelé arbre de vie. C'est pour avoir enfreint cette défense qu'ils furent expulsés de ce séjour enchanteur et que leur descendance se trouva doublement déchue au point de vue moral et corporel. Telle est aujourd'hui encore la part faite aux sociétés humaines, elles disposent de toutes les splendeurs de la création et de tous les raffinements de l'art. Mais à une condition, c'est qu'elles s'abstiendront également, sous peine d'une double déchéance, de toucher à l'arbre de vie. Or, Cet arbre n'est autre que la loi morale. Gardez-vous de voir rien de forcé dans ces rapprochements, il va nous être très facile, au contraire, de démontrer que ce que nous venons de dire est absolument conforme à la nature des choses et des faits. Ainsi, nous avons établi que l'homme avait été le but de la création. À ce titre, il devait en être le roi, mais, s'il avait reçu pour mandat de gouverner le monde, il avait reçu pour mandat également de se gouverner lui-même. Or, de ces deux gouvernements, le dernier est le plus difficile. C'est ce que Corneille exprime avec une grande énergie quand il met cet admirable vers dans la bouche d'Auguste. « Je suis maître de moi comme de l'univers. » Se vaincre soi-même est donc la plus noble des victoires. Par contre, subir le joug des passions est la plus dégradante des servitudes. J'ajouterai, c'en est la plus fatale. Voilà de ces vérités que l'on proclame tous les jours, du haut surtout de la chair évangélique, mais dont l'opinion s'émeut en général très médiocrement, au point même de les regarder comme autant de lieux communs ou de banalités déclamatoires. Et cependant elle touche aux questions les plus vitales de notre race, qui donc, sous ce rapport, est mieux renseignée que nous, médecins. Malheureusement, nous nous trouvons un peu, ici, dans la situation dont parle Fontenelle, nous avons la main pleine de vérité, et nous n'osons l'ouvrir, tant le sujet est délicat. Mais, si le sujet est délicat, il est d'une importance telle que le silence, à son égard, est impossible. Essayons donc de nous faire comprendre. Nous venons d'établir que l'homme, comme roi de la création, est le maître absolu de ses actes, et que cette liberté illimitée n'a d'autre guide et d'autre frein que la loi morale. Or, qui dit liberté dit responsabilité et par une conséquence logique, qui dit responsabilité dit pénalité. Ne soyez donc pas surpris que l'homme, quand il se soustrait à la loi morale, éprouve dans sa santé certains châtiments dont l'animal est exempt, par cela même qu'il ne relève pas de cette loi. En tête de ces châtiments se place un mal, tout à la fois honteux et terrible, que je ne nommerai même pas, car il est de ces noms qui souillent jusqu'à la plume qui les trace. Je l'aurais désigné suffisamment en disant qu'il infecte les corps qu'il a déshonorés. Ce mal est si bien le châtiment de l'homme qui a foulé aux pieds la loi morale, que jamais, dans aucune circonstance de la vie régulière, il ne se déclare spontanément. Il a, comme unique point de départ, le vice. Telle est sa virulence, qu'il pourra se faire qu'une fois passé dans le sang, il résiste à tous les efforts de l'art, et finissent par transformer l'individu en cette espèce de monstre dont vous allez, avec effroi, contempler les stigmates dans nos musées pathologiques. J'ai dit que l'animal en est exempt. Cette immunité est telle que vous ne pouvez le développer chez aucun par inoculation, pas même chez le singe, nouvelle preuve, et preuve concluante, que le singe ne fait pas partie de la grande famille humaine. Par contre, ce mal se transmet, avec une facilité déplorable, de l'homme infecté à l'homme sain, et même à l'instar de la faute originelle, il se transmet du père à l'enfant, déposant en celui-ci des germes qu'aucune eau lustrale ne saurait effacer. Ce sont ces germes, croyez-en l'observation des faits et l'expérience de chaque jour, ce sont ces germes, qui, par leur éclosion ultérieure, constituent l'un des éléments les plus dangereux et les plus perfides de l'étiolement de notre race. La preuve que je n'exagère pas leur rôle, c'est que les espèces animales que nous avons dit en être affranchies conservent au contraire l'intégrité de la leur. Je viens de parler de l'étiolement de notre race, c'est là un bien gros mot, mais qui n'est, Hélas, que trop justifié. Oui, il y a étiolement de notre race, étiolement des esprits et étiolement des corps. Il y a étiolement des esprits. Où sont, je vous le demande, les grands écrivains, les grands orateurs, les grands poètes de l'époque actuelle? Les quelques rares survivants que vous pourrez citer appartiennent presque tous à la période octogénaire. Je ne nie pas que les applications industrielles aient pris, au contraire, dans ces derniers temps, le plus magnifique essor. Seulement, c'est toujours la matière que l'on travaille et que l'on perfectionne, aussi, ce qu'on peut, avec le plus de raison, reprocher à notre époque, c'est précisément son culte excessif de la matière. Quant aux nobles productions de l'esprit, celles qui, parlant plus à l'âme qu'aux yeux, agrandissent la sphère de nos conceptions, vous les chercheriez vainement. Il y a étiolement des corps. Je n'en veux d'autre preuve que l'aspect chétif et malingre de la jeunesse actuelle, chauve avant le temps et blasé avant l'heure, en supposant qu'il y ait une heure ainsi comprise qu'on puisse avouer. On entend parler aujourd'hui que d'anémie, c'est-à-dire d'appauvrissement du sang, c'est le mot à la mode, car c'est le mot de la situation, un sang moins riche circulant réellement dans nos vaisseaux. À ceux qui seraient tentés de le nier, j'opposerai des documents et des chiffres officiels. Qui ne sait, par exemple, que le législateur a récemment encore été obligé d'abaisser le niveau des tailles pour l'admission sous les drapeaux des nouvelles recrues. Or, tout est solidaire dans la structure de l'homme. Un sang appauvri ne fournissant au canevas organique que des matériaux insuffisants, il en résultera une taille moindre, laquelle implique forcément un amoindrissement proportionnel dans tout l'ensemble de la charpente osseuse et musculaire, ainsi que dans les ressorts qui la meuvent. J'ai donc eu raison de dire que la loi morale est l'arbre de vie des sociétés humaines. À cet état de choses dont, à juste titre, l'opinion s'émeut, quel remède opposer? Partant de ce principe que l'hygiène est un des plus puissants modificateurs de l'économie humaine, vous assainissez nos cités par vos percements, vos plantations, vos boulevards. Ce sont là, sans nul doute, des mesures excellentes, seulement, prenez garde. L'abâtardissement de notre race se rattachant surtout à des causes d'un ordre moral, vous ne sauriez apporter non plus trop de soins à assainir les intelligences, je veux dire à les moraliser. Ce sera la réalisation de l'antique et profonde devise, un esprit sain dans un corps sain. Loin de là, il semblerait que vous avez pris à tâche d'aggraver encore le mal, tant vous vous efforcez de surexciter les passions des masses, en leur persuadant que les jouissances matérielles résument tout le présent et tout l'avenir de l'homme. Et, pour mieux arriver à flétrir leur âme, vous commencez par dégrader leurs corps en essayant de leur démontrer, par des analogies burlesques et des assimilations fantaisistes empruntées à l'école de Darwin, qu'aucune ligne de démarcation ne sépare l'homme de l'animal. Mais, s'il est vrai que l'homme soit tout simplement un animal comme un autre, expliquez-moi donc pourquoi il ne possède pas l'immunité à laquelle l'animal doit le maintien intégral de son espèce. Ce n'est pas tout encore. Pour mieux assurer l'œuvre de démoralisation que vous poursuivez par vos théories subversives, vous allez jusqu'à vouloir étouffer la voix de ceux qui s'efforcent au contraire d'inculquer dans les âmes de salutaires doctrines. Au besoin, vous les désignerez eux-mêmes aux vengeances et aux fureurs de la foule, en lui criant « Voilà l'ennemi ! Voilà l'ennemi !» Triste écho de cet autre cri, écrasons l'infâme, qui, vers la fin du XVIIIe siècle, annonça, comme un glas funèbre, la chute de la civilisation et de la royauté. Oh! Oui, c'est bien toujours le même mot de ralliement, s'adressant aux mêmes passions, en vue des mêmes bouleversements. Mais je m'arrête, car il s'agit ici de questions d'un ordre tellement élevé, et qui touchent de si près à l'essence même de l'homme, que j'ai hâte de faire entendre une voix beaucoup plus autorisée que la mienne. Voici comment s'exprimait du haut de sa chaire de zoologie, au muséum, un de nos naturalistes les plus illustres, celui qui fut le successeur et l'émule parfois heureux de Cuvier, et qu'acclamait avec enthousiasme la jeunesse de nos écoles, à cause surtout de sa fière indépendance, j'ai nommé de Blainville. Le monde créé pour l'homme est gouverné, disait-il, par deux sortes de lois. Les unes régissent le monde physique, les autres le monde moral. Ces deux sortes de lois ont une même fin, la perpétuelle harmonie de la création. Elles ont aussi entre elles une corrélation nécessaire, car le monde physique et le monde moral sont faits l'un pour l'autre. Ce qui atteint celui-ci atteint forcément celui-là et réciproquement. Mais ne parlons que du monde moral. Nous prendrons par exemple la loi qui commande la tempérance et la chasteté. Le premier effet de la violation de cette loi est l'abrutissement de l'intelligence et la corruption de l'organisme, par suite de l'abus des passions et de l'invasion d'une maladie que je ne nomme pas, d'où résulte la destruction de l'individu coupable. Mais qu'au lieu d'un individu, une famille entière perpétue dans son sein cette cause terrible de destruction, la loi morale sera bientôt vengée par l'extinction de la famille elle-même. Enfin, que toute une société se rende coupable de la même violation, et elle finira par être rayée de la liste des nations. Chaque page de l'histoire constate ses conséquences effrayantes, mais logiques. Qu'on médite avec attention, et surtout qu'on pratique les enseignements des grands ascétiques formés par le christianisme, on y trouvera une psychologie profonde et l'art de prévenir les maladies morales et autres, comme celui de rétablir les âmes dans leur état normal, quand il en est temps encore. Une mystification possible. Si le darwinisme est une mystification, quelques exemples empruntés à des hommes célèbres, il est la négation de la science, de la philosophie, de la liberté. Maintenant que nous voici arrivés au terme de ce travail, certains scrupules auxquels j'ai déjà fait allusion viennent de nouveau, mais un peu tard, se présenter à mon esprit. Je me demande si, en prenant au sérieux le livre de Darwin, ce livre si fantastique et si burlesque, je n'ai pas été l'adulte de quelques mystifications préparées par Darwin lui-même. Ce ne serait pas le premier exemple d'un auteur se reposant l'esprit et se détendant en quelque sorte les fibres du cerveau par la composition de quelque œuvre humoristique. Homère n'a-t-il pas fait la bête Racomiomachi, ou Combat des grenouilles et des rats, Virgile le moucheron, Erasme l'éloge de la folie, Montesquieu les lettres persanes? Pourquoi Darwin n'aurait-il pas fait également l'origine des espèces? Il lui resterait toujours comme bagage scientifique d'une valeur incontestable, ses observations sur les îles volcaniques, sur les îles de corail, sur l'Amérique du Sud, sur les cirripèdes et sur les pigeons domestiques. Quoi qu'il en soit, si je me suis réellement abusé, je n'ai pas été le seul, puisque le darwinisme forme aujourd'hui une formidable école que nous savons avoir pris pour devise les mots matérialisme et athéisme, comme en étant la signification véritable et l'expression la plus haute de la pensée humaine. Ainsi, on se proclame matérialiste et athée au nom de la science, on se proclame matérialiste et athée au nom de la philosophie, On se proclame matérialiste et athée au nom de la liberté. Eh bien, je me fais fort de prouver que le darwinisme est, au contraire, la négation de la liberté, la négation de la philosophie, la négation de la science. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF-FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.